À l'occasion de la journée du soleil, les délégations des partis politiques et des formations, ainsi que les personnalités de différents milieux de divers pays, ont visité les représentations coréennes. Les délégations des partis politiques et formations du Cambodge, du Mexique et du Nigeria, le coordinateur général du département international du comité central du Parti communiste de Cuba, le vice-ministre de l'enseignement supérieur et président du comité pour la réunification coréenne, le directeur de l'agence de presse Prensa Latina, le directeur du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba, le directeur du ministère des Relations extérieures de Mongolie, le premier secrétaire général adjoint du Parti uni islamique de l'Iran, le président du comité national d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme du Nigeria, les membres de la direction du Parti démocratique de Guinée équatoriale et d'autres personnalités ont déposé les corbeilles bouquets de fleurs devant les portraits souriants du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les tableaux de peinture où figurent ensemble les grands hommes avant de leur rendre hommage.